Le rêve américain, ce sont plutôt les opportunités que les privilèges. Le réaliser serait pour moi comme renaître dans un nouveau monde, à partir de là construire mon avenir. Pour certains, c'est une question de chance, il y a ceux qui croient qu'il faut se battre, d'autres y voient un mensonge qui crée un faux idéal de bien-être. À ton, il devient rêve éternel comme la vie. Pour quelques années, juste le temps qui passe, pour moi, un objectif à accomplir.